Le samedi matin, vers 10h, on s'est retrouvés à l'école. Et là, elle m'a tout expliqué vraiment en détail de tout ce que, voilà, de tout ce qu'il m'était reproché, que j'avais soi-disant fait déshabiller deux enfants de la classe qui se seraient embrassés devant tout le monde. Et là, pendant qu'on était en train de remettre la chronologie de l'histoire, une collègue appelle en disant « Faut absolument que vous mettiez sur Internet, vous regardez, il y a une vidéo qui circule. » Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous! Tout est calculé! Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Je suis Héloïse Weiss, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. L'histoire que je vais vous raconter a plus de 10 ans, pourtant elle résonne toujours avec l'actualité. Nous sommes au mois de septembre 2013 et dans certaines écoles, on expérimente l'ABCD de l'égalité, un nouveau programme pour lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Sauf que très vite, c'est à une drôle de convergence des luttes que la ministre Najat Vallaud-Belkacem, à l'origine de ce programme, est confrontée. Extrême droite, complotiste, intégriste, religieux catholique ou musulman s'opposent à une telle initiative. Ils dénoncent l'enseignement d'une prétendue théorie du genre. Devant les cours de récréation, entre parents d'élèves, sur Internet, des rumeurs se propagent. On apprendrait aux enfants à se masturber, on les forcerait à devenir homosexuels ou trans, la pédocriminalité serait carrément encouragée. Et à jouer les tours, commune d'Indre-et-Loire, une affaire fait grand bruit. Céline, enseignante dans une école maternelle, est accusée d'avoir fait se déshabiller deux élèves en plein cours. Menacée, elle finira par porter plainte pour diffamation et gagnera ses procès. Tout de suite, c'est son témoignage que vous allez entendre, complété par celui de Véronique, directrice de l'établissement scolaire. Mesdames, messieurs, tout votre équipage TGV Inouï vous souhaite un agréable voyage. C'est déjà un peu l'hiver en Indre-et-Loire et Céline, la soixantaine, nous accueille avec un peu d'appréhension dans sa petite maison de ville. D'abord hésitante, la retraitée a finalement accepté de se replonger dans cet épisode douloureux. Alors je suis Céline, l'année scolaire 2013-2014. J'étais à l'école maternelle Blotry à Jouy-les-Tours. Ça devait être ma sixième année au moins. Ça faisait déjà un petit moment que j'étais dans l'école. J'étais bien installée. Je connaissais pratiquement toutes les familles. Donc voilà, cette année scolaire débute. Une classe petit-moyen, niveau que j'aime. Voilà, donc c'est plutôt bien. 12 garçons, 12 filles, 12 petits, 12 moyens. Enfin vraiment, là par contre, au niveau des effectifs, c'était l'idéal. Après, c'était une classe, je savais que ça allait être un petit peu difficile, nous étions dans un quartier REP+. Quand on travaille dans ces quartiers, ben, effectivement, on sait qu'il y a des difficultés qui sont là. C'est un choix d'enseigner dans ces quartiers-là. On avait tous notre lot d'enfants. Vous savez qu'il fallait être en forme, il fallait avoir bien dormi, voilà, on savait à quoi s'attendre. L'année scolaire s'annonce dense pour Céline, et à l'échelle nationale aussi, la rentrée promet d'être mouvementée. L'éducation nationale démarre une expérimentation dans plusieurs établissements scolaires, un nouveau programme pour lutter contre les stéréotypes à l'école, l'ABCD de l'égalité. Qui visait, comme le nom l'indique, l'égalité entre les filles et les garçons, c'était à partir de janvier, mais c'était expérimental. Du rose pour les filles et du bleu pour les garçons, dans cette classe de maternelle, les petits élèves n'en sont plus là. Avec leur maîtresse, ils échangent sur la place de chacun à l'école, garçons et filles, en évitant les stéréotypes. Nos écoles n'étaient pas du tout concernées par cette expérimentation. Et ça s'adressait davantage aux grandes sections et écoles élémentaires. Moi, j'étais enseignante en petite et moyenne section. Donc, du coup, pas du tout concerné par le programme. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, il faut que je vous rappelle le contexte dans lequel s'inscrit cette ABCD de l'égalité. En septembre 2013, cela fait à peine 5 mois que la loi sur le mariage pour tous a été promulguée. Pourtant, les opposants à l'union des couples de même sexe crient toujours leur désaccord à l'occasion des manifs pour tous. À l'initiative d'associations familiales catholiques, ce mouvement diffuse des idées et des discours farouchement conservateurs et parfois carrément trompeurs. Le mariage pour tous démolirait la famille, il ouvrirait la voie à la polygamie et à l'inceste. On ne change pas les lois sur la famille comme on change l'attaque sur le Nutella ou même les enfants. Dans ce contexte, l'instauration de l'ABCD de l'égalité remet une pièce dans la machine. Des figures de la manif pour tous se trouvent ainsi un nouveau combat et d'autres vont émerger. Je dis solennellement aujourd'hui aux parents en particulier qu'il est temps de défendre nos enfants parce que si vous avez voulu qu'ils soient athées, ils le sont. Si vous avez voulu qu'ils soient illettrés, ils le sont. Allez-vous désormais vouloir qu'ils deviennent LGBT parce que finalement l'histoire de l'école laïque partie de la devise liberté, égalité, fraternité, nous amène finalement à considérer qu'une autre devise se cache derrière ces trois mots magiques, c'est athée, illettré, LGBT. La voix que vous entendez, c'est celle de Farida Belghoul. À ce moment-là, cette ancienne figure de la gauche antiraciste a opéré un virage à 180 degrés dans ses engagements. Elle fait désormais cause commune avec un mouvement d'extrême droite antisémite, Égalité et Réconciliation, fondé par Alain Soral. Farida Belghoul est résolue à se battre contre ce prétendu enseignement de l'homosexualité, de la bisexualité ou encore de la transsexualité dans les classes. Elle lance donc les JRE pour journée de retrait de l'école. Le principe, inciter les parents à garder leurs enfants à la maison une journée par mois, avec un mot d'ordre, vaincre ou mourir. Des SMS et des mails sont envoyés aux familles, et notamment relayés dans une fraction de la communauté musulmane via des influenceurs complotistes. Le mouvement est soutenu par d'autres figures réactionnaires, comme Christine Boutin, fondatrice du parti chrétien-démocrate et opposante acharnée au mariage pour tous. Et ce que l'on veut nous faire croire, c'est que nous pouvons décider de notre sexe, choisir notre sexe. En réalité, on veut nous déstructurer la pensée, en nous faisant croire que nous possédons le monde. Alain Escada est le troisième visage de cette croisade anti-LGBT. Militant belge d'extrême droite, il préside à partir de 2012 l'organisation catholique traditionnaliste Civitas. Contre le mariage pour tous et l'avortement, Civitas dénonce aussi l'assassinat programmé de la France, réclame la fin de la laïcité qu'il considère comme la religion de la République maçonnique et lutte contre la catophobie. En France, le mouvement sera d'ailleurs dissous en 2023. Nous pouvons converger. Tous les gens de bonne volonté peuvent converger dans une même action contre la volonté manifeste du gouvernement de pervertir nos enfants. Voilà pour les présentations. Revenons aux journées de retrait de l'école. La première a lieu le 27 janvier 2014. À Paris, une centaine d'établissements sont perturbés et si la mobilisation est relative, elle est amenée à se reproduire. Dans plusieurs écoles, il devient nécessaire de rétablir le dialogue entre professeurs et parents d'élèves, de plus en plus méfiants. À jouer les tours, la petite école Blotry, où travaille Céline, fait aussi les frais de ses rumeurs. L'établissement n'applique pas l'ABCD de l'égalité, mais certains parents d'élèves s'interrogent. Une réunion d'information est prévue au mois de février. À l'époque, c'est Véronique, directrice de la maternelle, qui l'organise. Aujourd'hui retraitée, elle se souvient de cette tension avec les parents d'élèves. Et c'est là, je dirais, qu'on s'est vraiment rendu compte, lors de cette réunion, de tout ce qui se passait donc, chez les parents, dans leur esprit, suite à cet ABCD de l'égalité. On s'est aperçu qu'ils étaient à l'affût d'informations sur les réseaux sociaux, et que les informations qu'ils avaient via les réseaux sociaux étaient amplifiées, démesurées par rapport à la réalité. Et surtout, ils nous disaient lors de cette réunion, bon, on vous fait confiance, mais quand vous nous expliquez ce que vous faites par rapport à nos enfants, ce que vous mettez en place, mais sur les réseaux, on nous dit que... Voilà. Et quand on est sorti de cette réunion, on s'est dit, ouf, il y a quelque chose qui se passe là. Notre école était complètement concernée par ce problème-là. Et c'est dans ce climat de suspicion qu'un nouvel événement va déstabiliser l'établissement. Fin mars 2014, une mère d'élève accuse une enseignante de l'école d'avoir demandé à un jeune garçon de baisser son pantalon et de montrer son sexe à une de ses camarades de classe. La petite fille en question aurait quant à elle dû baisser sa culotte. Une maman d'élève vient un matin dans la classe de Céline, qui n'était pas là ce jour-là puisqu'elle était en stage syndical, et qui vient se plaindre de soi-disant agissements inopportuns en fait dans la classe vis-à-vis de son petit garçon et d'une petite fille de la classe. Voilà. Moi, j'étais à Rennes, à un stage syndical fédéral de mon syndicat, celui d'éducation. Et en fin de matinée, juste avant la pause méridienne, j'ai un appel de la directrice de mon école pour me dire qu'il y a un souci. Je ne sais plus les termes qu'elle m'a dit parce que c'est au point que pour moi, je n'avais même pas compris que c'était moi qui étais accusée. J'étais remplacée par un homme, par un collègue homme. Et je pensais que c'était le collègue homme qui avait des problèmes de comportement avec les élèves. Du coup, j'ai même pas compris exactement de quoi il s'agissait. Enfin, bon, après, elle a vu que je ne comprenais pas, donc elle a repris. Mais c'était tellement aberrant ce qu'elle me disait, tellement lunaire, que je puisse avoir fait déshabiller des enfants dans ma classe. Et c'était tellement énorme que je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Mais déjà, la rumeur se répand et un rassemblement en soutien à la mère d'élèves est organisé le soir même devant l'établissement scolaire. Et donc, le soir à 17h, après je faisais de l'aide aux devoirs à l'école élémentaire, ma collègue est venue de l'école élémentaire, directrice, est venue me voir en me disant « viens vite, regarde sur le parvis ». Et sur le parvis de l'école, il y avait une manifestation importante de parents qui venaient vraisemblablement de différents quartiers de la ville et de notre école aussi, mais pas tant que ça. Et donc tout de suite elle m'a dit j'ai appelé l'inspecteur, la police municipale est prévenue. À ce moment-là, Véronique a rendez-vous avec la mère d'élèves d'origine tchétchène accompagnée d'une traductrice. On est arrivé donc dans la salle des maîtres et là je me suis aperçue qu'une personne supplémentaire s'était insidieusement faufilée avec nous et était assise tranquillement. Cette personne, c'est Dalila Hassan. Retenez bien son nom, nous allons très vite en reparler. Donc j'ai mené l'entretien avec la maman, avec son interprète et celle de l'éducation nationale. Et bon, elle m'a raconté ce qui s'était passé la veille au soir avec son petit garçon, qui ne voulait pas se déshabiller. Donc, elle l'avait interrogé et lui avait expliqué qu'à l'école, en fait, la maîtresse aurait fait, en quelque sorte, une leçon par rapport à la sexualité en faisant déshabiller une petite fille pour montrer comment c'était fait, le sexe d'une petite fille. Et puis, inversement, le petit garçon, idem, vis-à-vis de la petite fille. Alors bon, l'entretien n'a pas été évident parce qu'elle ne s'exprimait pas très bien, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai essayé, ma première réaction, donc ça a été de la rassurer en disant « mais Céline, quand elle va revenir lundi, certainement qu'elle elle aura une explication à vous donner. Bon, votre petit garçon, il a peut-être mal compris ou mal interprété quelque chose qui s'est passé dans la classe. Bon, là, je peux pas vous dire. La maîtresse n'étant pas là, ne pouvant pas vous expliquer, je ne peux pas aller au-delà de tout ça. Mais bon, soyez rassurés, on va régler le problème et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi pourquoi il a pu vous raconter tout ça. Le lendemain, Véronique a rendez-vous avec Céline. Le samedi matin, vers 10h, on s'est retrouvés à l'école. Et là, elle m'a tout expliqué vraiment en détail de tout ce que... Voilà, de tout ce qu'il m'était reproché, que j'avais soi-disant fait déshabiller deux enfants de la classe qui se seraient embrassés devant tout le monde, etc. Donc elle me donne le nom des deux enfants, etc. Elle me dit exactement ce que Teresa Latsem a dit, qui tout de suite a démenti, parce qu'elle est toujours présente dans la classe, donc elle sait très bien que c'est... Voilà, et qu'elle avait même demandé, la petite fille étant là, devant la maman du petit garçon, est-ce qu'il s'est passé ça? Et la petite fille a nié, parce qu'il ne s'était absolument rien passé dans la classe. Et là, pendant qu'on est en train de remettre la chronologie de l'histoire et qu'elle me parlait de la fameuse manifestation sur le parvis de l'école, apparemment, mon nom avait circulé, parce que forcément, c'était une maîtresse qui était absente, il n'y en avait pas 50 000 qui étaient absentes, donc c'était forcément moi. Une collègue appelle en disant « Faut absolument que vous mettiez sur Internet, vous regardez, il y a une vidéo qui circule. » Donc on s'est mis sur, je pense que c'était sur YouTube, et là, on a vu la fameuse vidéo de Dalila Hassan. Le samedi 29 mars 2014, Dalila Hassan apparaît dans une vidéo dans laquelle elle se présente comme la porte-parole du mouvement JRE dans le département d'Indre-et-Loire. Face caméra, elle accuse Céline d'attouchement sur un élève. Et donc j'ai rencontré la maman à deux reprises. Elle s'était interrogée parce que son fils avait depuis environ une semaine un comportement très très inhabituel. Celle qui pose les questions dans la vidéo qui dure une dizaine de minutes, c'est Farida Belghoul. C'était hallucinant quoi, ce qu'elle pouvait dire. Voilà, donc on visionne la vidéo et là la directrice me dit mais là... Il faut absolument qu'on file au commissariat porter plainte. C'est trop grave. Là, je la regarde et je lui dis, il fait beau, moi j'ai prévu d'aller me balader. Tu sais, ça peut peut-être attendre lundi. Et là, parce que j'étais, mais pour moi, voilà, c'était, ça pouvait pas, ça, c'était pas crédible. Il n'y avait rien de crédible dans ce qui était dit. Donc je me disais, les gens vont bien se rendre compte que c'est du pipeau. Et là, elle me dit, non, là, on va au commissariat. Et moi, j'étais encore sur mon petit, sur un petit nuage, j'avais pas encore atterri, voilà. Quand on est arrivé au commissariat, alors là, c'est peut-être là que ça a commencé, ouais. En fait, Céline met plusieurs jours à comprendre la violence de ce qu'elle est en train de vivre. Voilà, je retourne en cours, et là, le matin, ces fameuses journées de retrait. Donc, je pense que c'est là que j'ai découvert, parce que jusque-là, nous, on n'avait jamais eu d'élèves qui n'étaient pas venus à l'école. Ça ne nous avait pas impacté. Donc, ce jour-là, fameuse journée de retrait de l'école. Et là, moi, dans ma classe, tous les enfants sont venus, sauf une petite fille. Et effectivement, c'était le lendemain, la maman m'a expliqué que c'était par rapport à la journée de retrait. Même le petit garçon dont il était question était présent ce jour-là à l'école. Moi, ce qui m'a porté pendant toute l'affaire, c'est qu'il n'y a jamais eu de doute ni de l'équipe éducative, ni au sein de mes supérieurs hiérarchiques. Ils n'ont jamais douté de ma sincérité. Et les parents d'élèves de ma classe non plus. Et la maman, qui n'avait pas mis sa fille, le lendemain est venue et m'a dit « Je suis désolée, vous m'avez appelé par mon prénom, parce qu'en maternelle, on est appelé par notre prénom. Elle aurait dû venir parce que je sais que tu n'es pas comme ça. » Et je crois que là, quand même, on a interpellé la maman le midi ou le lendemain pour dire qu'il y avait un petit problème. Et après, il n'est plus venu. Mais le premier jour, c'est sûr, il était là. Il était là et c'est là que... S'il y a quelque chose qui ne va pas, si vraiment elle pensait que je faisais du mal à son fils, elle ne l'enverrait pas à l'école. Ce n'est pas possible. Deux jours plus tard, suite à sa plainte pour diffamation, Céline est convoquée par la police. Avec ma collègue Adsem, on nous demande de venir. Alors sur le procès verbal, c'est qu'on vient spontanément. Voilà. Après 4h30, il faudra qu'on aille au commissariat pour être entendu. Donc on est à 4h30, 5h, on est arrivé au commissariat de police de Tours. Donc chacune dans une salle. Et ça a duré peut-être bien 2 heures. Hein, donc là, entre guillemets, j'étais cuisinée. Je pense qu'ils n'ont pas fait dans le sens cuisiner, mais quand on est face, pendant 2 heures, on vous pose des questions sur votre pédagogie, sur votre parcours, sur vos convictions, sur vos... Enfin, tout, enfin... on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, quoi. Enfin, je me disais, mais pour qu'il se soit passé ça, peut-être que moi, j'ai fait quelque chose, en fait, qu'il ne fallait pas. Enfin, voilà, il y a des doutes qui s'installent. Au bout des 2 heures, ils m'ont dit, et mercredi, on viendra dans votre classe. Voilà, et là, par contre, je crois que ça a été le sommet. Enfin, donc, j'avais pris conscience que c'était grave, que c'était... Et le lendemain matin, j'étais à Faune. Voilà, j'avais plus de voix. Mais je suis allée voir mon médecin, mais j'ai dit, je ne veux pas d'arrêt de maladie, je n'ai rien fait. Pour moi, je me disais, si je me mets en arrêt, les gens vont penser que j'ai quelque chose à me reprocher. Et moi, j'estimais que j'avais rien à me reprocher, j'avais rien fait. Donc, je suis allée travailler pendant une semaine avec eux. Voilà, après, avec les médicaments, la voix revient, mais ça, voilà, c'est impressionnant. Enfin, impressionnant comment le corps réagit. Donc voilà, le mardi, je crois que c'est vraiment le mardi où il y a eu je pense que j'ai vraiment pris pleine conscience qu'on allait vers quelque chose qui n'était pas fini, quoi. À la fin de l'année scolaire, le gouvernement renonce finalement à la généralisation de l'ABCD de l'égalité. Farida Belghoul est mise en examen le 31 mars 2015, soit 1 an après les faits. Elle en parle dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la FAPEC, la Fédération Autonome de Parents d'Élèves Courageux. Pour vous dire que je reste sur ma position de toujours, c'est que nous devons nous battre pour sauver nos enfants, que nous seuls sommes capables et en mesure, avec notre courage et notre détermination, à pouvoir le faire, que nous ne pouvons compter. Je le vois depuis que ce combat a commencé, sur personne d'autre que les parents en particulier. Nos élites sont tièdes, qu'elles soient d'une obédience ou d'une autre. Dalila Hassan et Farida Belghoul sont finalement condamnées le 19 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Tours, respectivement pour diffamation et complicité de diffamation. Si les deux femmes ont fait appel de cette décision en 2017, la cour d'appel d'Orléans suit non seulement les réquisitions du parquet, mais alourdit les peines infligées. Farida Belghoul et Dalila Hassan ont ainsi été condamnées en appel à verser 15 000 euros de dommages et intérêts à l'enseignante, contre 12 000 en première instance. Le combat judiciaire aura duré 4 ans. Mais dès le départ, ces calomnies modifient profondément la façon d'enseigner de Céline. Je pense que j'ai fait mon travail jusqu'à la fin de l'année scolaire, normalement. Enfin, normalement, après, effectivement, dans le choix des livres, etc., là, on fait très attention à ce qu'on va raconter comme histoire. Parce que, voilà. Par exemple, cette année-là, je n'ai pas fait une activité que je faisais tous les ans, avec les petites sections et même les moyens, parce que on a une baignoire de poupon et les enfants jouent à laver le poupon. Alors nous, on leur demande de verbaliser ce qu'ils sont en train de faire. Je savonne, enfin voilà, c'est l'occasion d'oraliser, d'utiliser du vocabulaire et de perfectionner. Et donc dire, là, tu laves le bras, la main. Après, avec des moyennes sections, on peut même l'épaule, en fonction du niveau de l'enfant. Voilà, on a des attentes différentes. Donc, eux, ils ont l'impression de jouer, hein, voilà, sauf qu'en fait, c'est vraiment une activité qui est très utile. Sauf que là, c'est des petits poupons qui sont comme des vrais bébés, c'est-à-dire avec des parties génitales, etc. Et tout. Donc cette année-là, je ne l'ai pas faite, cette séance. Et je ne l'ai jamais refaite. C'est-à-dire que j'ai terminé en 2023, pendant 9 ans. Alors déjà, pendant les 4 ans qu'ont duré le procès, là, pendant 4 ans, je me suis... Mais vraiment, ça a été... Là, j'ai trouvé ça très dur. C'est-à-dire qu'il y a plein d'albums que je n'ai plus étudiés. Jamais je n'allais dans les toilettes. Ce qui pouvait m'arriver en récréation, un enfant a un problème, je pouvais aller seule avec lui. Jamais j'appelais quelqu'un. Enfin, puis ça même jusqu'au bout. Je me suis jamais retrouvée seule avec un enfant. Alors là, pendant les 4 ans, parce que je me disais, il ne faut absolument pas qu'il arrive quoi que ce soit Parce que là, du coup, on ne sait jamais, ça peut relancer l'affaire, même si mon appel avait perdu. Mais après, il y a eu la cassation. Donc, en tout, ça a duré 4 ans, quoi, jusqu'en 2018. Et même après ça, ben, je me suis aperçue que ben, voilà, quand je devais aller soigner un enfant, je m'arrangeais toujours pour dire à une ATSEM ou à un service civique qui était dans le coin, tu viens avec moi. Alors, j'expliquais hein, pourquoi. Je disais, moi, je ne me retrouve pas seule avec un enfant. Donc, ça a forcément eu des conséquences voilà, sur mes pratiques. Et donc, j'ai changé d'école. Et en septembre, donc, j'étais à Saint-Pierre-des-Corps. Et là, il y avait pour habitude, on filmait les enfants voilà, dans cette école pour montrer aux parents un petit film pour qu'ils voient leurs enfants. Hein. Et moi, j'avais dans ma classe une petite fille qui avait un frère dans une autre classe. Donc, en fait, les parents étaient chacun dans une des réunions. Et eux, ils s'étaient, pour rien louper, avec leur portable, ils ont filmé. C'est-à-dire que j'ai vu le téléphone de la maman branché sur moi. Et là, ce qui était terrible, c'est que j'ai fait ma réunion, mais je n'ai jamais pu dire à la maman, je ne veux pas être filmée. Mais c'est... Et là, le mercredi d'après, je suis allée chez la psy. Et là, je me suis effondrée parce que là, je me disais, mais ça y est, enfin, je me sentais persécutée, en fait. Alors qu'à Saint-Pierre, personne ne savait. Donc, il y avait tout un travail à faire. Donc, en fait, là, je pense que j'ai fait tous les 15 jours, j'y allais et on travaillait là-dessus sur le fait qu'au départ, je n'étais pas coupable. Parce que moi, je me sentais coupable, en fait. C'était moi qui portais plainte, mais je me sentais coupable de quelque chose, je ne sais pas de quoi, hein, mais... je me disais, s'il y a ça, c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Enfin, voilà. Donc, le sentiment de culpabilité. Donc, j'ai travaillé dessus jusqu'au janvier ou février. Et ça m'a bien aidée. Il y a eu la culpabilité, mais aussi l'effroi réactivé le 16 octobre 2020. Ce jour-là, le professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, est décapité, victime d'un attentat terroriste à la sortie de son collège. Il était l'objet d'une campagne de haine et diffamatoire sur les réseaux sociaux. 7h18, il s'appelait Samuel Paty, il avait 47 ans. Ce professeur de Conflans-Sainte-Honorine a donc été assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Cet attentat islamiste a choqué et bouleversé la France. Face à ce drame, Céline et Véronique réalisent alors que la communauté enseignante est désormais une cible. Donc j'écoutais les informations, et là je me suis dit, mais là, il y aurait eu un fou à jouer les tours avec les messages qui avaient été divulgués sur Internet. Je pense qu'on pouvait subir le même sort. Et là, vraiment j'ai été mal pendant plusieurs jours. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'était peut-être même plus grave que ce qu'on pensait. Parce qu'effectivement, il y a des... Et puis, c'est toujours pour les mêmes choses. C'est-à-dire que lui, il n'a pas renoncé. Voilà. Je me suis dit, ah ouais, ça aurait pu. Alors, c'est vrai qu'effectivement, la probabilité que ça arrive, heureusement qu'elle est très, très, très, très faible, mais n'empêche qu'elle est là. C'est une vraie menace. C'est pas comme moi... Voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des trucs... maintenant, il y a toujours un espèce de... Je fais attention. Je tiens quand même à dire que moi, d'abord, quand j'ai porté plainte, ce n'était pas du tout pour avoir de l'argent. Moi, je faisais vraiment par rapport à la laïcité. Enfin, je pense que ça aussi, ça m'a quelque part toujours aidée. Ce n'était pas moi qui étais atteinte, c'était ce que je représentais, en fait. C'est tombé sur moi, parce que voilà. Mais je pense que ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Eux, c'était attaquer la laïcité. Et alors là, s'il y a bien quelque chose auquel je tiens pour mon enseignement, c'était la laïcité, le respect de chacun. Le respect de chacun. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, il n'y a pas de religion quand je fais classe. Voilà, il n'y a pas de... Ce sont des enfants, point barre, quoi. On est neutre. On est là pour, justement, pour développer son esprit critique. Donc, je pense que ça aussi, à chaque fois, de toute façon, je pense qu'à refaire, je le referais, même si ça a été dur, parce que là, c'était vraiment des... Ce qui était attaqué à travers moi, c'était des valeurs auxquelles, vraiment, qui m'ont toujours tenue quand j'enseignais, quoi. Quand je faisais en CM2, voilà, c'était des séances en éducation civique que j'aimais bien, justement, quand on parlait de ça, de... Bah oui, on est là, dans la classe, et on est tous différents, mais voilà, qu'est-ce qui fait, pourquoi on est ensemble, etc. Donc moi, j'ai vraiment toujours travaillé là-dessus. Donc, et quand Madame Valo Belkacem a dit on arrête la BC de l'égalité, moi ça m'a agacée profondément, parce que je me disais, mais ils gagnent, ils ont réussi quelque part. Ils arrivent, en fait, je crois que de toute façon, c'était ça, ce qu'ils veulent. C'était pas forcément attaquer une enseignante, c'était attaquer le système. Et quelque part, ils y vont tout doucement, mais le système, il vacille, quoi. Moi, je me dis, non, faut y aller, quoi. On se serre les coudes et on tient, parce que c'était une belle valeur qui était défendue à travers la BC de l'égalité. Ces attaques contre l'école se sont reproduites. La manifestation la plus concrète a eu lieu en Belgique. En septembre 2023, le gouvernement valide l'instauration d'une animation scolaire de 2 heures par an d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais des parents s'insurgent contre une prétendue hypersexualisation de leurs enfants. Et à la tête de cette contestation, on retrouve, encore une fois, Alain Escada. C'est un projet mondialiste qui veut vous imposer sexuel. En lien avec cette contestation, 8 écoles ont même été vandalisées et incendiées. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci à Céline et à Véronique pour leur témoignage. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Héloïse Weiss et préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître et faire un don sur notre page Ulule.